Georges et Jeanne. Moi, comme petit enfant, rend tout à fait stupide, j'en ai deux, Georges et Jeanne. Et je prends l'un pour guide et l'autre pour lumière, et j'accours à leur voix, vu que Georges a 2 ans et que Jeanne a 10 mois. Leurs essais d'exister sont divinement gauches. On croit, dans leurs paroles où tremblent des ébauches, voir un reste de ciel qui se dissipe et fuit. Et moi, qui suis le soir, et moi, qui suis la nuit, moi, dont le destin pâle et froid se décolore, j'ai l'attendrissement de dire « Ils sont l'aurore ». Leur dialogue obscur m'ouvre des horizons. Ils s'entendent entre eux, se donnent leur raison. Jugez comme cela disperse mes pensées. Et moi, désir, projet, les choses insensées, les choses sages, tout, à leur tendre lueur, tombe. Et je ne suis plus qu'un bonhomme rêveur. Je ne sens plus la trouble et secrète secousse du mal qui nous attire et du sort qui nous pousse. Les enfants chancelants sont nos meilleurs appuis. Je les regarde, et puis je les écoute, et puis je suis bon, et mon cœur s'apaise en leur présence. J'accepte les conseils sacrés de l'innocence. Je fus toute ma vie ainsi. Je n'ai jamais rien connu, dans les deuils comme sur les sommets, de plus doux que l'oubli qui nous envahit l'âme devant les êtres purs d'où monte une humble flamme. Je contemple, en de temps souvent noirs éternis, ce point du jour qui sort des berceaux et des nids.